notre quotidien. On glousse à tue-tête, on embête le voisin. Le tourne-disque tourne et par les pattes, moi je te retourne et tu m'épates. Car Rosette, tu es chouette, à l'heure du dîner. Rosette, viens donc picorer dans ma main, dans mon assiette, mes baisers, mon alouette, je te plumerai et grimperai au sommet de ta crête. Ta basse-cour est ancrée dans mon cœur à coquiner. Ta basse-cour est ancrée.